son existence est déjà vécue sur d'autres plans par l'esprit, à travers les illusions programmées de l'astral, rendues ou manifestées dans le temps et l'espace de l'homme. Si l'ego était conscient de ceci, il ne voudrait et ne pourrait pas vivre, car le poids serait trop grand sur ses épaules. Donc, l'ego de l'homme nouveau sera tellement transformé que l'homme pourra facilement échapper au pouvoir gravitaire de la Terre, car c'est l'ego qui garde l'homme prisonnier de la gravité. Ceci ne veut pas dire que l'homme ne pourra plus s'identifier à lui-même, mais plutôt que l'homme s'identifiera à la partie cosmique de lui-même, à la partie immatérielle et intelligente qu'il appelle encore aujourd'hui son esprit. Les mots ont le pouvoir, lorsqu'ils sont parlés par ceux qui savent parler, d'éliminer l'impression profonde chez l'homme d'un ego programmé, c'est-à-dire d'un ego qui ne peut connaître la liberté ou l'exploitation des domaines occultes de la nature. Mais pour que les mots traversent l'épaisse couche de l'inconscience égocentrique, ils doivent être soufferts, c'est-à-dire absorbés, sans recul, sans rationalisation. Car la rationalisation des mots permet à l'ego de s'attribuer quelques fragments de vérité qui ne constituent en fait aucune protection réelle contre le pouvoir vibratoire de la conscience qui sait reconnaître l'esprit à travers les mots parlés consciemment par ceux qui savent parler. L'origine des mots est cachée dans l'origine du temps, et l'origine du temps fait partie du grand mouvement de l'atome dans l'univers. Or, l'atome produit un son, et lorsque ce son est arrivé à un haut taux de vibration, à cause du mouvement sans fin de l'atome, le mot naît, car le mot est créé par l'énergie en mouvement, et c'est ce mouvement incessant qui crée l'infinité de l'intelligence, qui peut être véhiculé par des mots. Mais le mot, à un certain stade d'évolution, n'est plus forme, il n'est qu'énergie, et c'est là qu'il est puissant, car il est conscience atomique manifeste. C'est ce que nous appelons l'esprit. Donc, l'esprit, c'est la conscience atomique manifeste à travers le mot. Pour que l'homme comprenne sa position dans l'univers et sa réalité, il faut qu'il puisse sans cesse pousser les frontières de l'absolu, et seule sa conscience créative peut faire ce travail, car s'il ne peut repousser ses frontières, il se voit obligé de voir l'absolu comme une frontière, et il lui donne le nom de Dieu. Donc, il perd le pouvoir de son intelligence créative, ou il perd le pouvoir de la parole, pour le remplacer par le placebo de la philosophie spirituelle, de la philosophie psychologique, qui n'est pas une science, mais une étude psychologique de ce qui est plus près de la forme que de la conscience atomique, ou de l'énergie, ou de l'esprit. Les mots n'ont pas de pouvoir tant que l'ego n'a pas appris à les créer, c'est-à-dire à les vivre sans s'y attacher. Dès qu'ils s'y attachent, ils perdent leur pouvoir, car ils ne servent plus l'esprit dans l'homme, mais l'ego dans la personnalité. Et si les mots sont utilisés par l'ego, ils ne peuvent entraîner l'homme à l'intelligence. Car déjà, elle est morte en lui et remplacée par l'intellect qui est de l'intelligence morte ou mécanique. L'intellect sert le corps, la matière, mais non la vie. Il est bon d'avoir, d'utiliser l'intellect, mais il n'est pas bon de vivre de l'intellect. Ceci est toute une différence, car elle nous permet de voir le rapport entre ce qui est naturel et matériel, et ce qui est immatériel et vital, ou conscience. Que l'homme possède un bel intellect, voilà un acquis. Et qu'il y ajoute de l'intelligence réelle, voilà une richesse. Les mots ont le don aujourd'hui, comme par le passé, de développer l'intellect et de tuer l'intelligence. Alors qu'ils devraient servir l'homme dans un cas comme dans l'autre. Et surtout dans l'autre, car l'intelligence est beaucoup plus puissante et réelle et vitale que l'intellect. Tant que les mots n'ont pas été reconnus par l'esprit de l'homme, l'homme n'a pas reconnu l'esprit en lui, car les deux ne font qu'un. Mais les mots séparent l'homme de son esprit, et c'est pourquoi ils sont mauvais. Sinon, ils seraient bons, c'est-à-dire créatifs, et l'homme serait rempli d'esprit. Lorsque l'homme est rempli de paroles conscientes, il se nourrit à la source de l'énergie. Et tous ses principes inférieurs en bénéficient, car la nature veut que tout ce qui est plus puissant qu'elle la domine. Ce sont des lois d'énergie. Les moins conscients contaminent l'esprit. Car la forme qu'il crée s'accumule sans cesse et enveloppe l'ego d'une couche d'énergie qui ne peut être délogée que par le bombardement de paroles conscientes qui, à cause de leur taux vibratoire, réduisent petit à petit la résistance émotive que créent les mots imparfaitement assimilés par l'ego. Les mots prennent leur énergie, leur origine, dans une dimension de l'énergie qui ne peut être mesurée par l'homme. Et comme l'homme ne peut mesurer cette énergie, il doit la comprendre parfaitement. Donc, il est obligé de la vivre parfaitement s'il veut être en harmonie avec elle. C'est ce que nous appelons la conscience supérieure. Pour que l'homme comprenne parfaitement les lois d'énergie des mots, il doit avoir accès à cette dimension de l'énergie par le biais du double éthérique. C'est ce que connaîtra l'homme nouveau. Les mots, tant qu'ils ne seront pas exprimés par la voie normale de l'esprit, seront exprimés par la voie inférieure du mental collectif de l'homme. Et l'homme ne pourra comprendre la nature des mystères, car pour comprendre les mystères, l'homme doit être libre du mental collectif auquel il appartient à cause de sa mémoire subjective. Évidemment, le mental collectif est très différent du mental individuel, et c'est pourquoi la science des mots ne fait pas encore partie de la conscience humaine, car l'être humain est encore à la recherche de son identité, et il ne découvrira son identité que lorsqu'il aura confronté la mémoire du mental collectif avec la mémoire de l'énergie de la forme, qui transforme la mémoire collective en épuisant le lien psychologique entre l'ego et la forme du mot. Dès que cet épuisement est créé, l'ego, l'homme, ne peut plus nier sa réalité nouvelle, car déjà, il prend conscience de son identité. Et toute identité réelle se révèle ou se manifeste par l'utilisation inconditionnée du mot pour le bénéfice de l'homme réel et non le bénéfice des forces astrales de l'humanité. Les mots n'ont pas de commencement et ni de fin, car ils découlent de l'énergie créative. Donc, ils ne constituent pas une frontière psychologique quelconque pour l'homme. Ce n'est que dans l'utilisation subjective de leur forme par un mental collectif qu'ils perdent leur teneur en énergie créative et deviennent simplement des formes qui emprisonnent l'ego. Les mots traversent le temps et l'espace, car ils n'ont aucune dimension. Donc, ils n'ont pas de fin, pas de commencement, et c'est ce qui les rend particulièrement utiles pour communiquer, car pour communiquer, il nous faut transférer une énergie d'un point à un autre dans le temps et l'espace, et les mots servent à cette fonction de l'esprit. Mais la qualité de la communication est toujours sujette à la qualité de notre réception et de notre émission. Et c'est ici que l'intuition, la télépathie, deviennent de nouvelles voies d'expression pour l'homme qui lui facilitera la tâche d'exprimer sa conscience dans le temps et l'espace. Les mots n'ont pas fini d'évoluer dans leur fonction créative. Au contraire, l'homme commence à communiquer, à parler, mais ce commencement est neuf. Car le matériel communiqué ne sera plus le même que celui qu'il a connu. Donc, la connaissance changera la conscience de demain, et cette conscience fera grandir la connaissance, car les deux vont de pair lorsque l'homme, l'ego, connaît le mystère des mots. Il est aussi important à l'homme de connaître le mystère des mots de la parole qu'il est important d'être conscient. Car l'un va avec l'autre. Pour un homme conscient, le mystère des mots devient de plus en plus évident, donc la conscience de plus en plus créative, donc la science de tous les plans de plus en plus évidente aussi. Et c'est cette évidence qui permettra à l'homme de faire éclater l'atome du centre mental pour le raccorder à l'intelligence infinie ou la conscience atomique. C'est dans la conscience atomique que l'homme comprendra les mystères de la création qui lui permettront de décider créativement des alternatives à l'évolution. C'est la compréhension des mystères du temps qui lui permettra de découvrir la science du son et de la lumière et d'appliquer cette science à un nouveau mode de communication énergétique qui rendra le mental de l'homme exclusivement émetteur. Lorsque le mental humain sera devenu émetteur, il sera impossible à l'homme de penser subjectivement, et il pourra alors corriger les erreurs de l'évolution créées par la pensée subjective, où les mots, au lieu d'être utilisés par l'esprit, furent utilisés par des forces qui ne sont pas de l'homme, mais de la mort. Les mots coïncident avec l'énergie profonde de la vie, lorsqu'ils sont conscients. Au fur et à mesure que cette conscience se développe chez l'homme, il devient ce qu'il doit être, créateur, c'est-à-dire libre de voir avec son esprit. Le cercle est alors fermé et aucune force inférieure à lui-même ne peut plus retarder son évolution, car son mental n'est plus collectif mais individualisé, de sorte que l'identité est équivalente à la réalité de l'éther, où le planétaire est élevé au niveau cosmique. Les mots, dans leur contexte psychologique, ne servent qu'à influencer l'homme par le biais de l'émotion. Dans leur contexte vibratoire, ils servent à corriger cette influence afin d'élever la conscience humaine et planétaire. L'homme a beaucoup de difficultés à s'imaginer ce que veut dire son identité et ce que signifie identité. L'identité de l'homme est le produit de la descente de l'esprit sur le plan mental. Donc, pour que cette descente s'effectue, il faut que la forme des mots soit réadaptée à cette expérience. Et pour que la réadaptation ait lieu, il faut que l'homme réalise que les mots n'ont de limite d'expression qu'en fonction de son émotivité. Sinon, ils sont infinis en expression, car ils sont esprit manifeste, et l'esprit est infini. Il est évident que l'esprit n'a pas besoin de se servir de la forme pour habiter le mental humain, seulement de l'énergie. Mais il doit se manifester par la forme, car elle lui sert de transfert, de transport dans le temps. Un jour, dans un avenir certain, L'homme reconnaîtra que les ovnis, par exemple, sont des mots ou des formes tellement perfectionnées, autrement dit tellement remplies d'esprit, qu'ils servent à des races étrangères pour se transporter dans le temps et l'espace. Donc, ceci veut dire que l'homme découvrira au fur et à mesure que sa civilisation évoluera, que le mot, la parole, peut se faire ou se rendre matériel. C'est ainsi que la parole se fait chair, qu'elle se fait matière. Mais pour que ceci soit réalisé par l'homme dans son expérience, il lui faut reconnaître les limites foncières de sa psychologie subjective vis-à-vis la signification des mots. Les mots sont éternels dans ce sens qu'ils font partie de la réalité de la conscience atomique et qu'avec le temps, au fur et à mesure que cette conscience se perfectionne, les mots, les paroles, les pensées peuvent devenir matériels. Ce sera l'âge de l'homme-esprit, où le mot se rendra parfaitement et où l'homme sera créateur du monde qu'il habite et perfectionne par son pouvoir vibratoire. Les mots devront éventuellement reproduire l'esprit dans l'homme. Ceci veut dire que l'homme devra un jour reconnaître le pouvoir vibratoire des mots, et ceci ne peut être possible que s'il perd la mémoire psychologique des mots et commence à vivre les mots sur le plan vibratoire. Alors l'ego n'intervient plus dans le choix des mots, c'est-à-dire qu'il n'est plus influencé dans ce qu'il dit ou pense. Alors les mots sont libres et grandissent en puissance. Mais l'ego a peur de ces mots qu'il ne peut influencer, car il a peur de dire des mots pesants d'implication, et ceci, ou plutôt c'est ici, qu'il freine la descente de l'esprit dans son mental et qu'il retarde son identité, car il se sent plus sécure dans le mental collectif. Les mots ne peuvent pas être corrigés par l'ego. Ils doivent être créés par l'esprit ou l'intelligence qui anime les plans supérieurs de l'homme, dont le mental est la dimension réceptrice. Tant que l'ego cherche à corriger ou à influer sur les mots, il perd conscience de la vibration à l'intérieur de la forme et se coupe de la réalité intuitive de son être. Donc, il se raccorde à des plans d'intelligence ou d'énergie inférieurs qui peuvent facilement le manipuler, car il leur a accordé par le fait même le pouvoir de créer des mots ou des pensées qui lui conviennent émotivement et psychologiquement. Donc, il perd contact avec la partie cosmique de l'homme, l'esprit. Il devient alors difficile pour lui de développer un double, car l'énergie émotive et mentale nécessaire au développement du double est utilisée pour maintenir l'astral et le mental inférieur. Les mots inconscients pervertissent l'homme, car ils n'ont pas de puissance réelle. Ils n'ont qu'un pouvoir d'influence parce que l'homme possède une mémoire. Donc l'homme peut facilement être maintenu dans un état d'assujettissement jusqu'au jour où il découvre l'illusion de la forme. Tant que l'homme n'aura pas conscience de l'esprit, il ne pourra jouir de rien, car il ne pourra établir l'ordre dans la vie qui convient à son esprit. Donc, il sera toujours déçu de la vie. Et pour vivre selon les lois de la vie, il ne faut pas pouvoir être déçu, car être déçu veut dire ne pas avoir de pouvoir dans la vie. Et là où la déception pénètre dans la vie de l'homme, c'est par le biais de la parole, car la parole inconsciente ne peut créer les conditions qui permettent à l'homme de ne jamais être déçu. La déception de l'homme va à l'encontre des lois de la parole, car elle naît de son inhabilité de faire descendre l'esprit dans le monde de l'expérience. Les mots ont autant le pouvoir de changer la vie de l'homme qu'ils ont le pouvoir de bloquer sa vie, car ils déterminent sa façon de penser. Et la façon de penser doit coïncider avec l'intelligence et non avec l'attitude subjective de l'ego. L'homme conscient de la sixième race sera le premier homme de la Terre à réaliser que les mots conscients sont la vie, et cette réalisation sera tellement vaste de conséquences que la conscience sera sur la Terre dans un espace très écourté de temps, à partir du moment où l'esprit sera dans la matière. Les mots ne seront plus simplement des formes créées par un esprit très primitif, mais par un esprit très près de l'homme. Les mots seront tellement importants que l'homme ne pourra plus les employer ou les créer sans conséquence. Les mots inconscients sont caractériels, dans ce sens qu'ils font partie du caractère de l'homme. Lorsque le caractère change, se transforme selon l'élévation de conscience, les mots changent et leur emploi devient différent selon l'évolution de cette conscience. C'est à partir de ce moment dans la vie de l'homme que les mots deviennent vivants, c'est-à-dire qu'ils prennent une signification de plus en plus précise en ce qui concerne la vie de tous les jours et la vie mentale. Les mots deviennent alors un baromètre de la vie. Et l'homme apprend à écouter attentivement les mots qu'il parle, afin de prendre de plus en plus conscience de l'activité créative dans sa vie. Les mots doivent être utiles à l'homme. Ils doivent lui indiquer, selon leur vibration et leur forme, la temporanéité des événements. C'est par la vibration du mot, de la parole consciente, que l'homme peut réaliser parfaitement le rythme des événements qui affectent sa vie. C'est par la vibration dans la parole consciente qu'il peut savoir précisément si le temps est propice ou non pour telle ou telle action. Car la vibration du mot fait partie de l'activité créative qui se situe dans le plexus solaire. Et c'est de ce centre que l'homme perçoit bien la nature des événements. Alors les mots sont beaucoup plus que de simples agencements de son. Ils renferment des forces de vie qui, une fois perçues par l'homme conscient, deviennent sa nouvelle intelligence, sa nouvelle voie d'expression. L'homme nouveau découvrira la nature des mots et réalisera qu'ils portent en eux la totalité de la vie exprimée. Et tant que l'homme ne pourra utiliser les mots de façon créative et consciente, il ne pourra réaliser qu'ils font partie intégrante de sa conscience supérieure. Donc, il ne pourra avoir ou développer cette conscience supérieure. L'intelligence créative est subtile à un tel point que celui qui en est conscient ne peut faire autrement que d'en être bénéficiaire. Lorsque les mots s'échappent de la bouche de l'être conscient, ils ont une valeur vibratoire qui lui indique l'acheminement des événements futurs. Plus il est conscient, plus cette précognition devient précise et viendra le jour où l'homme conscient, l'être de la sixième race, à cause de sa sensibilité vibratoire, pourra parler et de là connaître son avenir ou l'avenir en général dans des détails de plus en plus inusités. Mais pour que ceci soit possible, il faut que les mots soient détachés de l'ego, libres de son influence émotive et mentale inférieure. Ce sont les émotions dans la pensée qui tue la pensée créative chez l'homme, et il y a beaucoup plus d'émotions dans la pensée de l'homme qu'il ne peut se l'imaginer. Les mots ont le pouvoir de l'esprit en eux, car ils sont produits, créés par l'esprit de l'homme. Mais l'esprit de l'homme n'est pas l'esprit dans l'homme.